Ceci est un audio généré issu de l'article « Des ondes et des vaches mortes », disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Pourquoi les ondes inquiètent les éleveurs? Dans plusieurs fermes françaises, la même scène se répète. Un éleveur observe ses vaches sous une ligne à haute tension. Les animaux refusent d'avancer, reniflent le sol, reculent sans raison apparente. Des veaux meurent la nuit, comme étouffés, alors que les analyses sanitaires ne montrent ni virus, ni bactéries. Pour ces agriculteurs, le point commun saute aux yeux, la proximité de champs électromagnétiques. Lignes haute tension, transformateurs, antennes relais, parfois parcs éoliens. Leur témoignage rejoint d'autres affaires médiatisées, comme celle de l'élevage de Noyal-Pontivy ou de Saint-Herbault, déjà racontées dans des reportages de France Télévisions. Dans le documentaire dont ce texte s'inspire, plusieurs familles expliquent qu'elles ont tout essayé. Vétérinaires, nutritionnistes, experts en bâtiment. Malgré cela, les troubles continuent. Douleurs, fatigue, maux de tête chez les humains. Surmortalité, infertilité, comportement adhérent chez les animaux. Certains finissent par consulter le professeur Bellepomme, connu pour ses travaux sur l'électrohypersensibilité. Il diagnostique une sensibilité aux ondes chez plusieurs membres de la famille et lâche une phrase brutale. Pour survivre, il faudrait partir. Partir reste pourtant impossible pour beaucoup. On ne déménage pas une exploitation comme un studio. Les bâtiments, le foncier, le troupeau, tous les investissements sont là. Pendant ce temps, les autorités répètent que les champs électromagnétiques sont dans les normes et que les liens ne sont pas prouvés. Entre ce discours rassurant et la réalité du terrain, un fossé grandit. C'est dans ce fossé que vont surgir l'idée de complot, la colère, mais aussi une longue bataille politique. Pour sortir du face à Axandrave face stérile, certains décident de monter au niveau national. Ils vont frapper à la porte des ministères, des agences, des grandes entreprises d'énergie. L'histoire bascule alors d'un drame rural à une affaire qui touche l'État, EDF, et tout un système de gestion des risques. Ministères, EDF et GPSE, enquête ou gestion de crise? Un ministre interpellé et un hélicoptère EDF. Quand Louis Le Pensec devient ministre de l'Agriculture à la fin des années 1990, il connaît déjà le sujet. Élu du Finistère, il a vu remonter des dossiers d'élevage frappés par des anomalies sous des lignes à haute tension. Des paysans comme Serge Prouvou et Jean-Yves Puylan profitent de sa nomination. Ils viennent à Paris, accompagnés de militants de la Confédération paysanne, avec dossiers et photos sous le bras. Le ministre écoute et reconnaît un souci récurrent dans certaines zones. Il décide alors de mandater deux ingénieurs de son ministère pour une mission de terrain. Leur feuille de route est claire, visiter plusieurs exploitations touchées, dont celle de Puylan, d'un éleveur porcin d'Ille-et-Vilaine et de Prouvou dans la Manche. Cette mission aurait pu passer inaperçue. Pourtant, un détail l'a fait entrer dans la légende militante, un hélicoptère EDF suit le cortège toute la journée, du Finistère au Sud-Manche. Ce balai aérien marque les esprits. Les paysans y voient une forme de pression, voire de surveillance. EDF, de son côté, présente souvent ses vols comme de simples inspections de lignes. Le symbole reste fort. Il nourrit l'idée que les grands acteurs de l'énergie surveillent de très près tout ce qui touche à l'image des lignes haute tension. En parallèle, l'ONG Robin des Toits documente déjà depuis des années les batailles autour des antennes et des champs électromagnétiques. Le GPSE, compromis utile ou soupape de sécurité? À l'issue de la mission, un rapport officiel reconnaît des anomalies dans les élevages situés sous des lignes à haute tension. Dans la foulée, le ministère crée le GPSE, le groupe permanent pour la sécurité électrique dans les élevages. Sa mission officielle, évaluer et réduire les risques liés à l'électricité dans les fermes. Autour de la table, on retrouve EDF, RTE, des vétérinaires, des scientifiques de l'INRA, l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, la FNSEA, la Confédération paysanne, des chambres d'agriculture. Les éleveurs victimes obtiennent finalement deux sièges, après un ras de fer. Le ministère choisit François Gallouin pour présider ce groupe. Vétérinaire et neurophysiologiste, il affiche un profil rassurant. Dans plusieurs interviews, il développe un discours précis. Selon lui, les lignes à haute tension n'ont pas d'effet direct sur les animaux. En revanche, elles peuvent induire des courants parasites dans le sol. La vache, pieds nus sur un sol humide, ressent ces tensions alors que l'éleveur, isolé par ses bottes, ne sent rien. Il explique qu'on peut mesurer ces courants avec des appareils adaptés, puis corriger les défauts de terre ou de câblage. Cette position reconnaît enfin une partie des problèmes évoqués par les paysans. Les courants vagabonds deviennent un sujet légitime. Des interventions techniques ont lieu, des défauts sont corrigés, des indemnisations arrivent parfois. En parallèle, des campagnes de communication rappellent que les installations doivent respecter des normes strictes. Le message officiel se veut rassurant, les ondes seraient maîtrisées, à condition d'entretenir correctement le réseau. Malgré ces avancées, de nombreux trous restent dans le filet. Des éleveurs racontent que, même après les corrections, leurs animaux restent nerveux dans certaines zones. D'autres continuent de perdre des veaux sans explication. Certains vétérinaires parlent de profils biologiques totalement adhérents sans pathogène identifié. D'un autre côté, la littérature scientifique internationale sur les champs électromagnétiques demeure prudente, comme le montrent les dossiers synthétiques de L. Hans. À ce stade, personne ne peut dire honnêtement que tout est clair. Le GPSE constitue un progrès à rapport au déni total. Il n'épuise pourtant pas le sujet. Dans le même temps, un autre front s'ouvre ailleurs, celui des parcs éoliens et des fermes qui les entourent. Arcs éoliens, géobiologie et mystère de Nozay. Nozay, énergie propre, vache en souffrance. Nozay se trouve à une quarantaine de kilomètres de Nantes. Ce coin de Loire-Atlantique aurait pu rester un simple paysage de bocage. L'installation d'un parc éolien change pourtant la donne. Quelques années après la mise en route des machines, plusieurs éleveurs racontent une série d'événements troublants. Muriel et Didier Potiron voient leurs vaches changer de comportement. Une autre éleveuse, Céline Bouvant, observe des troubles similaires dans son troupeau. Les médias s'emparent du dossier. Des reportages de Ouest France ou de France Bleu relatent des années de combat. Depuis 2012, une dizaine d'expertises s'enchaînent. Cabinets privés, vétérinaires, ingénieurs mandatés par l'État. Tous constatent des anomalies, mais aucun ne tranche définitivement sur la responsabilité des éoliennes. Les conclusions se terminent souvent par des formules du type lien causal non établi avec certitude. Pour les animaux, la nuance scientifique ne change rien. Ils ne savent pas ce qu'est une éolienne. Ils ne lisent pas les études. Pourtant, ils modifient leur comportement. Ils refusent certains couloirs, se figent sur des lignes invisibles, reniflent des zones précises du sol. Ce décalage alimente l'idée que quelque chose échappe aux modèles habituels, sans pour autant prouver un complot organisé. La géobiologie, entre ésotérisme et observation de terrain. Dans ce contexte, certains éleveurs se tournent vers la géobiologie. Cette discipline s'intéresse aux failles géologiques, aux nappes souterraines, aux réseaux telluriques et à la façon dont tout cela pourrait influencer le vivant. En France, elle n'a aucun statut officiel. Beaucoup de scientifiques la rejettent d'emblée. Malgré cela, des géobiologues interviennent depuis des décennies, surtout en Bretagne et dans l'Ouest. Le documentaire montre un géobiologue à l'œuvre. Il marche dans les bâtiments, s'arrête à certains endroits, décrit une compression dans le corps, une sorte de frisson qui lui signale une zone perturbée. Les éleveurs confirment que, précisément là, ils ont connu des séries de morts de veaux. Ils expliquent qu'ils n'osent plus mettre d'animaux sur cette zone. Dès qu'ils déplacent les veaux ailleurs, la situation s'améliore. Ces constats ne constituent pas une preuve mathématique, mais ils interpellent. L'expert explique ensuite son hypothèse. Selon lui, certaines zones du sol portent déjà une perturbation naturelle, liée à des failles ou des passages d'eau. Quand on y injecte du courant ou des fréquences, cette perturbation s'active. Une éolienne implantée sur une faille agirait comme une aiguille d'acupuncture plantée dans un point sensible. Le mât vibrerait, le son circulerait, et la faille entrerait en résonance sur plusieurs centaines de mètres, parfois jusqu'à un kilomètre ou deux. Les autorités sanitaires restent très prudentes sur ce type d'explication. L. Hans a publié en 2017 un rapport sur les éoliennes et la santé humaine. Ce document évoque le bruit, les infrasons, les effets psychologiques, mais il conclut qu'aucun lien causal robuste n'est démontré avec les pathologies graves. Concernant les animaux, les données restent encore plus limitées. Dans le documentaire, la réalisatrice explique avoir sollicité plusieurs fois Lens pour évoquer les cas de nausées. Ces mets et appels seraient restés sans réponse. Cette absence de dialogue nourrit la méfiance. Les géobiologues, de leur côté, revendiquent un grand nombre d'interventions. Ils citent des fermes où les maux de tête disparaissent après certaines corrections, ou des taux de cellules dans le lait chutent. Ils reconnaissent que leur méthode ne cadre pas avec la démarche scientifique classique. Ils demandent toutefois qu'on ne confonde pas encore expliqué et n'existe pas. Entre ces deux mondes, les éleveurs se retrouvent une nouvelle fois au milieu. Ils entendent les experts leur dire que tout est dans les limites. Ils voient leurs vaches renifler toujours le même coin du sol, ou éviter systématiquement une zone sous la ligne à haute tension. Ils lisent des études, reçoivent des rapports, mais continuent de vivre au quotidien avec des phénomènes que personne n'assume vraiment.